Chapitre 22. L'ange me montra aussi le fleuve de l'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la rue de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne du fruit 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Puis l'ange me dit, « Ces paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et le Seigneur Dieu qui accorde son esprit au prophète a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. « Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux ceux qui obéissent aux paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus fini de les entendre et de les voir, je tombai aux pieds de l'ange qui me les avait montrés pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes, et comme tous ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. » Puis il me dit, « Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Que celui qui est mauvais continue à mal agir, et que celui qui est sale continue à être sale. Que celui qui est bon continue à bien agir, et que celui qui est saint continue à être saint. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi mes récompenses que j'accorderai à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui sont menteurs en paroles et en actes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous annoncer tout cela dans les églises. Je suis le descendant de la famille de David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, « Viens. » Que celui qui entend cela dise aussi, « Viens. » Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement à tous ceux qui entendent des paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à sa punition les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part du fruit de l'arbre de la vie, et sa part de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare, « Oui, je viens bientôt. » Oh, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.